vous étiez Nicolas, c'est pas vous que je vous dirais. Vous me diriez... Je vous dirais, mon Nicolas, viens dans mes bras. Quoi? Vous diriez ça, ma petite? Eh bien, dites-le-moi tout bas, dites-le-moi, dites-le-moi tout bas. Passez vite, hélas, vous n'êtes pas Nicolas. Hélas, hélas, hélas, hélas, je ne suis pas Nicolas. Vous étiez Nicolas, c'est pas non que je vous dirais. Et vous me diriez... Je vous dirais, embrasse-moi sans plus d'embarras. Quoi? Vous diriez ça, ma petite? Eh bien, dites-le-moi tout bas, dites-le-moi, dites-le-moi tout bas. Passez vite, hélas, vous n'êtes pas Nicolas. Hélas, hélas, hélas, hélas, je ne suis pas Nicolas. Je sais, je ne suis pas Nicolas, et pourtant je sens que je vous aime, bien plus que Nicolas lui-même vous aimerait s'il était là. Je ne peux pas lui dire que je l'aime, pourquoi ce Nicolas-là n'est-il pas le vrai Nicolas? Elle ne peut pas me dire qu'elle m'aime, hélas, je ne suis pas Nicolas. Hélas, hélas, hélas, hélas, hélas, je ne suis pas. Oh, tant pis, je l'embrasse. Oh, eh bien, dites donc, vous avez fait des progrès depuis 5 minutes. Nicolas, voilà un lapin pour la gibelotte. Il faut le tuer tout de suite. Toi, Ciboulette, mets les nappes et arrange les fleurs. Il y a déjà 3 belles dames d'arrivée qui attendent sur la route. On les voit d'ici. Oui, oui. Oh, Zénobie. Oh, il ne faut pas qu'Antonin la voie. Ah, vous voilà, Antonin. Eh bien, maintenant, filez à la cave chercher du vin. Ouh là là, ce qu'il fait loin. Tu ne sortiras de là, mon bonhomme, que quand elle sera partie. Ah, voilà tout notre monde. Messieurs les officiers du 12e, ma nièce va vous faire une surprise. Elle connaît votre chanson de route.